Chapitre 2 : Celle qui sort de la mer. Ce fut comme un coup de théâtre. Tout le pays apparaissait, sortant du nuage qui l'étreignait depuis la veille. D'abord Camaret, avec ses maisons serrées les unes sur les autres, rangées le long du quai, et des toits d'ardoise, s'entassant encore en arrière de cette ligne droite, pour former, derrière cette partie qu'on désigne maritimement sous le nom de nautique, le pâté compact du bourg proprement dit, où se trouvent la mairie et l'église. Puis, pendant que sur la gauche montaient les roches escarpées de la pointe du Grand Gouin, en face du phare du Petit Minou, ce furent sur la droite les falaises de la route conduisant à Quélerne. Au-dessus de 13 roses, des bras de moulin tournaient désespérément, encore dans le brouillard, l'un que l'on apercevait entier avec sa tour, l'autre, dont les bras dépassaient le sommet de la colline, paraissant et disparaissant, et semblaient des bras de géants qui se noient, qui jettent des appels désespérés, de suprêmes gesticulations d'agonie au sein d'une eau morne, d'un ensevelissement implacable, gagnant toujours, buvant une vie humaine comme le soleil pompe une goutte de rosée. Tout à coup, sous une rafale, cette fumée laiteuse, bousculée, balayée, roula sur elle-même, se replia doucement, achevant de débarrasser le petit port, de laisser voir, le long de la bande de terre, la chapelle où achevaient de mourir les derniers tintements de la cloche, devenue inutile, le fortin rouge dressant ses pans coupés sous sa toiture d'ardoise, son pont-levis, toute une silhouette romantique de féodalité, et la mer apparut, immense. Elle battait de ses vagues la muraille de rochers de la presqu'île de Roscanvel, se perdait au loin, vers un horizon incertain, encore embué de vapeurs, ne permettant de distinguer ni la côte mouvementée du Léon, ni l'entrée du goulet de Brest. Sur cette étendue tachetée d'écume, des formes de bâtiments se montrèrent, les unes après les autres, avec une quantité de barques ayant jeté l'ancre et qui avaient dû venir s'amarrer là, en rade, au salut, sous la protection de la chapelle, dont la cloche les avait réunis comme la trompe du berger rassemble le troupeau dispersé. « Oh, oh !» observa Balanec souriant. « M'est avis que la mer doit être fameusement lourde et qu'elle se mange au grand large pour qu'il y ait tant de bateaux en rade. Il y a aussi ceux qui craignent les hasards et les dangers de cette mauvaise brume, » opina Louise Pénéguez. Tante Rosalie compta. « 2 briques, 1 sloop, 3 briques goélettes, 1 dundi, 4 lougres, 2 vapeurs, 4 ou 5 yachts, et des douarnenez, des camarétois à n'en pas savoir le nombre. Ah bien, en voilà une flottille. On se croirait revenu aux anciens temps que le port était si plein de bâtiments de commerce qu'on ne savait où donner de la tête. » Le mareyeur intervint. « Oh, diable ! C'est du temps bien vieux que vous parlez là, tante Rosalie. Du temps d'avant la navigation à vapeur, d'avant le quai, alors que la mer venait à la falaise, battait le Bégargal, qu'on entrait en barque tout de go dans les maisons de Parisi, et que la contrebande était si facile. Ha ha ! Les douaniers n'y voyaient que du feu, pas vrai ?»« Oui, oui !» poursuivit la veuve. « Dites aussi que Camaret était un pays riche au lieu d'être un pays de misère comme au jour d'aujourd'hui. Tout le monde avait de quoi vivre, au lieu que maintenant on meurt de faim quand la pêche ne donne pas, et au dire de tous la sardine s'en va, le vieux temps avait du bon pour sûr. » Mais Pierre Kerbiriou ne prêtait aucune attention à ce qui se disait autour de lui, comme s'il eût été entièrement pris par le spectacle intéressant du phénomène qui s'accomplissait en ce moment, cette apparition pour ainsi dire surnaturelle de tout un pays, encore invisible la minute d'avant. Ses regards, cependant, n'allait ni à droite, du côté des lignes de Kellern et de la plage de Treize Roses, ni à gauche, du côté de Penat et du Toulinguet. Il se fixait, immobilisé soudain, entre la chapelle et le fortin, plus loin que le phare, dans la direction de la pointe Trémet, un des promontoires des falaises de Roscanvel. Là, tout près des coffres flottants, corps mort où viennent s'amarrer les bâtiments de fort tonnage, un brick se balançait, ses voiles demi-repliées, des hommes visibles dans ses vergues et dans sa mâture, comme s'il ne faisait que d'arriver en rade. Un pavillon de commerce, à la pomme du grand mât, en compagnie des couleurs françaises, se distinguait difficilement, encore à moitié masqué par des fragments de brume. Le curé, penché au bord le plus extrême du quai, avança la tête et le haut du corps d'un geste si brusque que tante Rosalie s'exclama, prise de peur. « Prenez garde, monsieur le recteur, vous allez tomber !» Et, se retournant vers ses compagnes, « Ah, ces maudiquets, m'en auront-ils fait faire du mauvais sang ? Tant qu'on ne les aura pas garnis de garde-fous, de parapets, de quelque chose, enfin, je passerai ma vie à trembler. Pas de jour qu'il n'y arrive quelque accident, et j'ai moins d'années que je n'ai vu d'enfants y tomber, sans compter les hommes, Seigneur Dieu. Il n'y a pas 6 mois qu'un pauvre grésillon s'y est tué tout net à marée basse, et que je vois encore son misérable homme de frère assommé de douleur et de larmes devant le cadavre de son aîné, parti si gai et si vivant de leur île de Groix, et qui ne devait y rentrer que dans son cercueil. Ah, bien oui, qu'il en a causé du deuil ce qu'est le Camaret, je ne cesserai de le dire jusqu'à mon dernier soupir. » Elle hochait la tête, les sourcils un peu froncés, les lèvres serrées, les yeux voilés d'une brume de larmes, dans une colère de tout son être de pitié et de miséricorde contre cette incurie, cette insouciance qui avait déjà tant fait de mal au pays. Des exclamations de l'abbé Kerbiriou coupèrent ses récriminations. « Ah, ça ! Mais je ne me trompe pas. Voyons, voyons, j'ai de bons yeux, hein ? Ce brick là-bas, on dirait bien la croix du Sud. Et alors, alors ?» Il s'arrêtait, hésitant, n'osant en croire sa vue, tellement dévoré d'une joie intérieure qu'il dut, à plusieurs reprises, passer ses mains tremblantes sur ses prunelles si lucides d'habitude. Balanec s'était penché, lui aussi, son regard sûr d'ancien guetteur de phare pointé vers le bâtiment, la main droite en abat-jour au-dessus du front pour mieux concentrer sur le même point toute sa puissance de vision. « Des yeux de marin que vous avez, monsieur le recteur. C'est la croix du Sud, comme de juste, je n'aurais pas mieux dit. » Il eut un éclat de gaieté bruyante. « Comme de juste aussi, c'est votre Denis le Marec qui vous revient. Et regardez un peu, voilà le pavillon jaune pour demander la visite de la santé qui grimpe le long de la drisse et qu'on frappe au mât. Pas de malade à bord. Dans un bout de temps, ils vont pouvoir débarquer si la douane ne flâne pas dans sa visite sanitaire pour donner la libre pratique. » Il allait toujours, pris d'une joyeuse sensibilité. « 2 ans que ça fait qu'on ne l'a vu en Camaret, ce Denis le Marec. Comme le temps passe tout de même. Il me semble que je le vois encore, tel qu'il est parti pour son premier voyage. Un vrai moussaillon, tout petiot, pas un poil de barbe au menton, qu'on l'aurait cru de vrai, baptisé avec l'huile des filles, comme nous disons dans nos pays de Bretagne. Ha ha ha, une demoiselle, quoi. Ha ha ha !» Et le mareilleur, pour souligner encore le dicton appliqué en armorique au garçon sans barbe, le répéta en rocailleuses syllabes cornouaillaises qui croassent à l'égal d'un langage de corbeau. « Ma bodezel, godeolmer, baptisée avec l'huile des filles. Ah bien, il s'en est revengé depuis. Oh oui, un rude mal à présent. Et je jurerai qu'à cette heure, il va nous débarquer, revenons de ces Amériques, tout poilu comme un ours de mer, que nous pourrons dire. » Le curé écoutait, pensif, revoyant lui aussi ce gentil enfant que lui avait autrefois confié sa sœur, à son heure dernière. Un bambin tout frisé, tout blond, les joues lisses et roses, l'œil bleu plein d'étonnement candide, de jolies interrogations, d'incessantes curiosités pour toute cette vie à laquelle il s'éveillait, fringant, impatient, avide. Et cette joliesse charmante avait duré encore quelque temps, des mois, des années, jusqu'à ce qu'il eût atteint cet âge redoutable de 13 ans, où il était devenu impossible de le maintenir, impossible de continuer à le traiter en enfant gâté, en présence de ses sourdes révoltes, de son grandissant entêtement dans des idées mystérieuses qu'on ne pouvait lui faire révéler, que l'abbé n'osait même éveiller, dans une continuelle et folle terreur de ce qui allait résulter d'un interrogatoire poussé à fond. Puis on avait su. On avait découvert la vocation et il avait bien fallu céder, sous peine de le briser. C'était lui, l'oncle, qui avait dû courber la tête, s'incliner devant cette passion qui croissait de jour en jour, plus violente dans le cœur, dans l'âme de l'enfant, et la mère toute-puissante l'avait pris, l'avait emporté, l'avait gardé. Alors, au lieu du garçon instruit, distingué, délicatement élevé qu'il avait rêvé, elle lui avait rendu un être tout différent. Il avait vu l'enfant blond et rose se transformer en un rude et solide gaillard, au cuir bronzé, aux cheveux brunis par l'air, le soleil et les embruns, aux mains durcies, à la voix forte, habitué à lutter avec les hurlements de la tempête et les mugissements du vent, à la démarche alourdie et balancée. Il lui sembla que ce n'était plus le même enfant qu'il avait reçu si tendre, si délicat, si doux, des mains de l'amourante, et il avait eu une anxiété douloureuse, inexprimable, en face de cette transformation si radicale. Les années, les lentes et usantes années l'y avaient habitué, achevant de chasser de son esprit le premier rêve qu'il avait fait, et, avec sa résignation de prêtre toujours courbé sous les décisions d'en haut, si dures, si contraires à ses désirs qu'elles fussent, il s'était dit que, sans doute, Dieu avait ses desseins secrets en faisant de ce fils marin un marin comme son père. Seulement, malgré sa volonté, malgré sa puissance de domination sur lui-même, il n'avait pas encore pu se cuirasser complètement et s'habituer aux angoisses, aux attentes, aux terreurs de cette existence mouvementée, houleuse, qui n'est jamais sûre de l'instant qui va suivre. Et toujours, à chacun des voyages, à chacun des retours attendus du jeune homme, il repassait par les mêmes transes, par les mêmes insomnies, par les mêmes terreurs, impitoyablement identiques, et ses joies, quand enfin il le revoyait, quand il le tenait sauvé des périls de la mer, ses joies restaient douloureuses, frémissantes, comme des blessures à peine cicatrisées et trop souvent rouvertes. La houle était si forte au large, et le brouillard, persistant encore le long de la côte du Léon, barrait d'un si insondable nuage l'anse de Berthaume et la pointe Saint-Mathieu, que les pêcheurs n'osaient pas sortir. Ils restaient par groupes sur le quai à examiner les manœuvres des bâtiments et des barques réfugiées dans la rade, nommant, au fur et à mesure qu'ils les reconnaissaient, les navires qui avaient l'habitude de venir à cette époque et au sujet desquels on avait eu quelques craintes en raison des récents mauvais temps et surtout de cette brume si opaque qui durait depuis la veille. « Un fameux banc de brume qu'on a eu là, il n'était pas trop tôt que ça finisse !» grommelait un mince à petite tête intelligente sous sa casquette à encre d'or et que les autres venaient saluer du titre de capitaine. « C'est les glaces du Nord qui nous amènent ça, à ce qu'on prétend. Les banquises détachées du pôle et venant se perdre dans le courant chaud, le Gulf Stream. » « Oui, oui, maître Guivarc, c'est du vrai que vous dites, » assura Balanec en abordant le nouveau venu, Pierre Guivarc, le maître de port, et en lui serrant la main. « Heureusement qu'il n'y a pas d'avarie et que notre flottille est au grand complet. » Ils étaient là, tout un groupe qui se serra autour d'eux, approuvant, discutant, chacun donnant son avis. Corentin Garec, un colosse, le patron du bateau de sauvetage, avec son air bon enfant, le vieux père Le Fur, tout tanné d'âge et saumuré par les années de mer, Lagadec, Tréboule, Kerbonne, Pierre Lecoz, dit Pierre Létoupe, Maradour, le Moal, Santec, le géant sylvestrique Kervarec, le patron Haumardier Bozanec, Hervé Trémor, Durat, d'autres encore, et Pierrick, Plougastel, un grouillement de moussaillons. Tous, en même temps que Pierre Kerbiriou, avaient reconnu la Croix du Sud et attendaient avec impatience que la visite de la santé fût terminée pour faire accueil à Denis le Marec, que chacun dans le pays aimait à l'égal du recteur. Aussi suivait-il avec un croissant intérêt les moindres mouvements du canot de la douane qui se dirigeait en toute hâte vers le brick pour la visite. « Il a dépassé le phare !» indiqua Maradour, sa bonne figure luisante, rayonnante de contentement. « Il ne tardera pas à accoster du train qu'il va !» souligna Corentin Garec. Mais ce fut le mousse Pierrick, avec ses yeux éveillés et sa mine de chat, qui annonça le premier. « Il accoste !» Un brouhaha de voix, d'interjections, salua cette partie de l'opération, félicitant avec un entrain tout à fait inhabituel les canotiers de la douane. Sylvestric Kerbarek, un connaisseur, déclara « C'est rudement mené, ça. Faut dire aussi que c'est Kergal, le douanier matelot, qui est à la nage, et qu'il vous a un fameux coup d'aviron, celui-là. » Puis, un assez long espace de temps s'écoula, tandis que le recteur, salué par tous de bonne amitié, serrait les mains qui lui étaient tendues et tuait un peu la longueur des minutes en causant de choses et d'autres avec les pêcheurs. Les instants passèrent, trop lents au gré de ceux qui attendaient. Enfin, au moment où l'on y pensait le moins, dans l'ardeur d'une discussion, Balanec, qui tout en bavardant avec animation, avait toujours l'œil au guet, dans le désir de donner avant tout autre la bonne nouvelle, s'écria « On amène le pavillon jaune. Voilà qui va bien. Tout est paré en grand, que je pense. Dans un petit quart d'heure, il sera ici. » Là-bas, à bord du brick, tandis que le canot de la douane, sa mission remplie, s'éloignait, un mouvement particulier se faisait. Des hommes allaient et venaient le long des bastingages. Très nettement, on distinguait leurs gestes, un travail dans les cordages. En même temps, un coup de sifflet retentit, prolongé, et une embarcation descendit, coulant d'un jet des porte-manteaux à la mer, qui la saisit, la balança. Immédiatement, des avirons s'y dressèrent, des têtes y apparurent. Elle s'écarta du bâtiment, paraissant et disparaissant entre les vagues. « Il souque dur, les gars, regardez-moi ça !» Une admiration de ce beau travail d'aviron tenait là, bouche béante, yeux rayonnants, quelques anciens de Camaret. Le Fur, Pierre Lecoz, ramenés par ce spectacle au temps de leur jeunesse, alors que leurs bras avaient aussi cette souplesse, cette force, et Corentin Garec avait lancé cette phrase de son air de contentement bon enfant, approuvant la régularité et l'ensemble des rameurs. D'autres s'ingéniaient à reconnaître ceux qui se trouvaient dans le canot. Bozanec remarqua. « Quatre hommes de nage, je vois bien, c'est l'équipage. Mais, à côté de l'homme de barre qui doit être Denis le Marec, comme de raison, il y a encore quelqu'un. Même qu'on dirait une femme. Une femme à bord de la Croix du Sud qui s'en vient tout droit du fond des pays d'Amérique. Une négresse alors que ce serait. » Goya Maradour, son fusil de boucher pendu dans les mollets, son petit feutre mou en arrière sur ses cheveux frisés, les bras nus jusqu'au coude croisé sur sa large poitrine. Bozanec insista. « Une femme, une vraie, que je vous dis. Je vois bien sa coiffe, peut-être. Sa coiffe. Ah, bien, en voilà une autre, et plus forte encore. Ils n'ont pourtant emmené personne de par chez nous, que nous sachions, Ça coiffe. La barque ayant dépassé le phare et la cale qui avoisinent le fortin de Vauban, les silhouettes se dessinaient plus nettement. Plusieurs voix s'exclamèrent ensemble. « Une bretonne !» Auprès de l'homme de barre, immobile à son poste, on distinguait le petit bonnet blanc du pays et le châle qui enveloppait les épaules. Il n'y avait plus moyen de nier, et chacun cherchait quelle pouvait être cette passagère inconnue que ramenait le canot de la Croix du Sud. Personne ne parvenait à citer un nom. Plus intriguées encore, plus curieuses que les pêcheurs, les femmes, de leur côté, se rapprochaient les unes des autres, mises en émoi par cet incident tout à fait anormal, par ce mystère qui venait compliquer l'arrivée du bâtiment commandé par le neveu du curé de Camaret. Tante Rosalie, Louise Pénéguez et Reine Balanec n'échappaient pas à cette contagion et se questionnaient, surprise, ne parvenant pas à mettre un nom sur ce visage trop lointain qui, même en se rapprochant, ne replaçait devant leurs yeux aucun trait familier, aucun souvenir. La doyenne, qui connaissait cependant tout le monde, répondait aux questions qu'on lui adressait de toutes parts. « Je ne sais pas plus que vous. Que voulez-vous que je vous dise ? Peut-être bien quelqu'un des environs, de loin d'ici, mais pour sûr, pas une chrétienne de Camaret. » Quant à Pierre Kerbiriou, lui, n'entendant rien, n'écoutant rien, il se tenait à l'écart, isolé dans une atmosphère de joie qui lui gonflait le cœur, lui remplissait l'âme, le rendait indifférent à tout ce qui pouvait se faire ou se dire autour de lui. Depuis quelques instants, tout son bonheur, toute sa vie se concentrait sur un point unique dont ses yeux ne parvenaient plus à se détacher. Que lui importaient en ce moment les autres personnes ? Dans cette barque que chaque battement d'aviron rapprochait un peu plus du quai, que chaque élan jetait davantage vers lui, comme la pulsation du cœur lance le sang aux artères, la vie à tout l'être, il ne reconnaissait, ne regardait qu'une seule personne, son neveu, Denis le Marec. En arrivant au milieu du port, à quelques encablures du quai, le jeune homme se dressa à demi, sans lâcher la barre, balançant joyeusement sa casquette au bout de son poing droit, et sa voix sonore éclata en salut triomphal et satisfait. « Mon oncle ! Mon bon oncle ! Me voilà ! C'est encore moi !» En entendant ces mots, en apercevant à l'extrême bord du quai la haute silhouette du prêtre, à l'écart des groupes, en remarquant le soudain épanouissement de ce visage tourné vers la mer, la femme assise près du barreur avait paru faire un léger mouvement. Surprise ou curiosité, on ne savait trop. Mais, subitement, peut-être sous l'impression de l'humidité toujours pénétrante, elle remonta son châle autour de son cou, s'en enveloppant plus étroitement, y enfonçant le bas de son visage, la tête baissée, de telle sorte qu'il devenait presque impossible de distinguer ses traits. Encore quelques vigoureux coups de rame, puis les quatre canotiers, à un commandement bref du capitaine, débordèrent les avirons qu'ils relevèrent, les tenant dressés verticalement, comme des marins de l'État, et la barque, par sa simple impulsion naturelle, poursuivant sa course, vint se ranger en bas du plan incliné de la cale, qui se trouve juste à la hauteur de l'hôtel de la marine. D'un bond, avant que l'un des pêcheurs accourus eût fini d'attacher à l'anneau de fer l'amarre que venait de lui lancer le matelot placé à la proue, Denis le Marec avait atteint les dalles glissantes, baignées par l'écume du ressac. Déjà, il se trouvait pressé sur la poitrine émue du curé, qui répétait, les yeux brouillés de larmes joyeuses, la voix tremblante et hoquetée, sans pouvoir articuler autre chose, tellement les mots se heurtaient confus sur ses lèvres. « Mon cher enfant ! Mon cher enfant !» Il le tenait donc enfin là, près de son cœur, à portée de ses paternels baisers, celui qu'il attendait si impatiemment depuis si longtemps et que, à chaque voyage, il tremblait toujours de ne jamais revoir. Une reconnaissance infinie pour celui qui le lui rendait encore cette fois déborda de son âme, et il eut ce remerciement en action de grâce pour le Dieu de bonté qui avait arraché le cher garçon au péril de la mer. Que le Seigneur soit loué, que son saint nom soit béni. Il l'entraîna à pas lents, le tenant aux épaules de ses deux fortes mains, l'examinant, ne pouvant détacher ses regards de cette face mâle et hardie, d'une souriante franchise, d'une énergie sereine et confiante, où la claire lumière des prunelles bleues s'étalait limpide, pleine d'affection, de tendresse, de joie, dans le cuivre brun de la peau, entre les boucles d'un blond roux, des cheveux en désordre sous la casquette et la toison épaisse d'une barbe roulée en anneaux blonds ardents, la moustache moins foncée, effilant ses poils dorés au-dessus de lèvres puissamment rouges, flambantes de sang généreux et sain. L'abbé balbutiait, remué de souvenirs. Les yeux te restent encore, les yeux. Oui, les bons yeux de ta pauvre mère. C'est toi et c'est elle aussi, ma chère et regrettée Yvonne. Je vous retrouve ensemble tous les deux, elle et toi. Ah, mon cher, bien cher enfant. Denis se laissait faire, grisé par cette tendresse un peu câline dont il avait été sevré si longtemps et qui avait quelque chose de profondément touchant entre ces deux hommes rudes et solides. Il se refaisait avec joie, pour son oncle, le petit enfant d'autrefois, le gamin choyé et adoré qu'il avait été durant ses premières années. Il bavardait, heureux d'entendre de nouveau le son de leur voix, qu'ils avaient à demi oublié, et qui était tout au fond d'eux, comme le tintement assourdi de ces cloches de bouées perdues au large, dans la grosse rumeur des lames. Tu nous arrives par un bien mauvais temps, et je puis t'avouer que, depuis hier, te devinant dans nos parages, j'ai eu bien peur, mon cher enfant, et qu'il m'a fallu, pour ne pas me laisser abattre, toute ma foi en celui d'en haut. Oh oui! Il montrait le ciel qu'on commençait à apercevoir par échappée, par trous bleus, dans le floconnement d'ouates balayé par la brise. Le jeune homme protesta, enjoué, attendri. La brume! Si vous saviez combien elle manquait là-bas, d'où je viens! Oh, bien au contraire, mon oncle, moi je l'ai saluée avec ivresse quand elle est tombée en plein sur nous au large. Cette brume, c'est ma Bretagne que je retrouvais, qui venait à moi. Ah, quand je l'ai sentie passer sur mon visage, sur mes lèvres, cette brume, malgré le danger, malgré les brisants, malgré les roches de naufrage, je l'ai accueillie à plein bras, à plein cœur, à plein souffle. Il m'a semblé avoir sur moi une caresse maternelle, le baiser du pays. L'abbé hocha la tête. Un baiser qui pouvait être mortel. Aussi, vois-tu, je priais pour toi. J'invoquais la protectrice des marins. Denis s'émut, les yeux en lumière douce. Oui, je l'ai bien reconnu, le salut de la bonne dame du roc. C'est sa voix sonore qui est venue nous guider, nous protéger dans le péril. Et grâce à elle, nous avons pu mettre le cap droit sur la chapelle. Ils allaient les bras liés, oubliant qu'ils n'étaient pas seuls, tandis que, groupés çà et là, à une distance respectueuse, les pêcheurs les regardaient. Ils souriaient de leur contentement, formant une sorte de cercle autour de ces deux êtres unis par la même étreinte de bonheur. Balanec, n'y pouvant plus tenir, se rapprocha. « Un ours de mer, hein, monsieur le recteur, quand je vous le disais !» Et, s'adressant à le Marek, « Ah, mon gaillard, une fameuse barbe que tu nous rapportes là de tes Amériques. Eh, ça ne t'a pas fait oublier les amis du pays ?» Denis avait empoigné entre ses rudes doigts la large main noueuse et épaisse du mareyeur. Il riait à pleines dents, leur émail blanc luisant sous le pourpre puissant des lèvres. « Vous oubliez, vous, qui m'avait le premier appris mon métier, oublié tonton Jean-Marie, pour qui me prenez-vous ? Certes non, je ne vous ai pas oublié, et je vous retrouve, ô diable, toujours le même, aussi droit, aussi jeune. » L'autre poussa Reine devant lui. « Et celle-ci, qu'en dis-tu, Astor ?» Il l'examinait, une ruse tapie aux angles de ses yeux plissés de malice. « T'en souviens-tu aussi, mon gars ? Bien que tu aies dû en voir de toutes les couleurs de ces jeunes filles, des jaunes, des vertes, des rouges et des noirs dans tes voyages, hein ? La reconnais-tu seulement ? Ta petite amie d'enfance, ma reine, que c'est ?» Denis avait machinalement touché sa casquette comme surpris, hésitant. « Reine ? Mademoiselle Reine ? Est-il possible ?» Il décida, en l'admirant. « Oh, oh ! Une fière fille à présent, une femme, et belle, ma foi, comme une sainte, très belle. Dame, elle a fameusement poussé, que je crois, pendant que tu faisais ton tour du monde. Elle va sur ses 21 ans. » La jeune fille baissa la tête rougissante. « Monsieur Denis ?» Son père eut un gros rire encourageant. « Va, va, appelle-le Denis, ton ami Denis, comme autrefois. Il n'a pas changé pour ce qui est du cœur comme pour ce qui est de la barbe, n'est-ce pas, mon fils ? Et les amis d'enfance, ce sont toujours les amis. » Mais brusquement, le Marek, se frappant le front, avait poussé cette exclamation. « Ah bien, voilà qui est fameux, j'oubliais, moi !» Il se retourna. « Et ma passagère ?» Balanec, contrarié, fit une moue, les lèvres froncées, avec un regard méfiant vers le bas de cale où les gens du canot aidaient une femme à débarquer, celle-là même qui, par sa coiffe bretonne, avait attiré les curiosités papillonnant autour d'elle. On la voyait toujours mal dans le châle dont elle persistait à s'envelopper, et elle restait là, sous les yeux allumés de tous, n'osant avancer. Denis le Marek, quittant aussitôt son oncle et Balanec, alla à elle, les dents épanouies en un large rire heureux, lui disant « Ah, cette fois, vous voilà sauvée pour de bon !» Puis, s'adressant à ceux qui l'entouraient, « Une naufragée que j'ai recueillie en mer, au moment où sa barque l'emportait au large sans direction. Ah, il n'était que temps, et elle peut remercier le ciel d'avoir fait passer la croix du sud si près de la côte, par le travers du cap de la Chèvre et de la pointe de Dinan, contrairement à ce qui aurait dû être, et grâce au brouillard qui nous avait fortement écartés de notre vraie route. » Il ajouta. « Faut lui rendre cette justice aussi que, d'après ses renseignements, nous avons su au juste où nous étions, et que, si je l'ai sauvée, elle a bien aussi pour sa part sauvé un peu le bâtiment qui marchait en aveugle et pouvait tomber en plein dans les tas de poids ou sur quelque mauvais caillou de ces côtes-là. Pour moi, j'ignorais absolument où nous nous trouvions. » « Pour sûr, elle n'est pas d'ici, sa naufragée, » murmura Balanec, examinant avec une certaine défiance celle qui s'avançait, timide, gênée, guidé par Denis le Marek jusqu'au quai. « Elle a pourtant la coiffe du pays ?» observa Louise Pénéguez, essayant de la dévisager. Mais tante Rosalie ne l'eut pas plutôt vue de près qu'elle s'écria très émue, presque inquiète. « Comment ? C'est toi, ma pauvre fille ? Si loin de chez toi ? Ah bien, en voilà une aventure à ce jour ! Si on pouvait s'attendre ! » Et, faisant un pas vers elle, d'un geste de protection comme pour aller au-devant de toute manifestation désobligeante. « Une naufragée, tu sais, tu m'appartiens. C'est chez moi que l'on recueille tous ces malheureux de la mer. T'as placé là, tout comme pour une autre, et je te réclame, moi. » La jeune fille sourit doucement. Ses grands yeux limpides, étonnamment clairs, d'une eau profonde et pure, allèrent se fixer sur ceux de Madame d'Orso, comme vers un inespéré refuge, et, la main tendue, elle se hâtait au-devant de la doyenne de Camaret, quand la veuve Pénéguez, qui s'était rapprochée, mordue de curiosité, et la brûlait de ses prunelles fouilleuses, expliqua brusquement. « Mais c'est Faïque ? Faïque ? Geneviève ? questionna Balanec, intrigué et en défense. Quel faïque ? Faïque Goalen, donc ! Faïque ! Faïque Goalen ! Des voix se jetèrent à la fois ces deux noms, comme des syllabes connues, donnant enfin l'explication attendue, désirée. Il y eut autour de l'arrivante un redoublement de curiosité. La braise des prunelles flamba, avivée par un courant d'air plus vif. Tous les regards se plantèrent sur elle. Le curé lui-même, avec un soubresaut de surprise, répéta plusieurs fois « Goalen ? Goalen ?» Son front s'assombrit terriblement pendant qu'il regardait la jeune fille, et il continua, anxieux, avec un geste instinctif pour ressaisir et ramener son neveu, qui restait toujours auprès de l'inconnu, la protégeant, l'aidant. « Goalen, on a bien dit Goalen, un nom que je connais, il me semble, un nom qui... » Il se dressait menaçant, inquiet. « Hé hé, qui ne le connaît pas ?» ricana Balanec, l'œil soudain dur et mauvais, la voix sifflante. « Goalen, ce ne peut être que de Nédélec Goalen qu'il s'agit pour sûr !» Et se tournant vers les pêcheurs, « Vous savez bien, vous autres, Goalen le reboutou !» Ce fut une révélation qui amena un brusque élargissement du cercle des curieux. Quelques-uns, cependant, se penchaient pour mieux voir la jeune fille, pris de sympathie. Le vieux Le Fur, sous ses cheveux blancs, secouant la tête d'un air d'en savoir long sur le personnage, les lèvres en un sourire appréciateur, hasarda. « Tonton Nédélec ? Ha ha ! Fameusement connu, il en a assez guéri, plus que le médecin, oh oui !» Mais un flot de sang à la face, toute une violence bouillonnant en tempête dans la gorge, Pierre Kerbiriou grommela. « Alors, c'est la fille de cet homme, cet homme du cap de la chèvre ?» Balanec appuya, affirmatif, avec une certaine satisfaction de l'emportement du curé. « Oui, oui, monsieur le recteur, sa propre fille au reboutou. » « La fille du sorcier !» traduisit craintivement le superstitieux Hervé Trémor, le cerveau toujours ennuagé de toutes les croyances sucées avec le lait, au temps lointain de sa naissance aux abords du Ras-de-Saint et de la baie des Trépassés. Le prêtre, le front plissé, la prunelle songeuse, la bouche amère et révoltée comme en présence de quelque redoutable, de quelque mystérieux danger, subitement dressé devant lui, gronda d'une voix basse, employant le dur idiome de Cornouaille pour souligner davantage ce qu'il voulait dire. « En tonton ! En tonton !» Il y eut dans les groupes du quai une émotion, une rumeur à écouter, à répéter ce mot qui, ainsi employé tout seul, ainsi détaché, signifie « l'oncle, le maître ». Et dont la sombre, l'énergique langue armoricaine se sert alors pour désigner l'esprit malin, le diable, qu'on appelle aussi Arpot Cause, le vieux ou le bonhomme. Des bouches épouvantées le redirent, des signes de croix s'ébauchèrent, tandis que tante Rosalie, apitoyée, se hâtait d'entraîner Faïd Goalen vers l'hôtel de la marine et que Denis le Marec, surpris, regardait de ses yeux étonnés et douloureux la silhouette dure et raide, le visage fermé, les yeux sévères de son oncle qu'il ne lui semblait plus reconnaître pour l'homme de bonté, d'amour et de miséricorde qui venait, un instant auparavant, de l'étreindre si affectueusement sur sa poitrine. C'était l'Église qui se dressait, défendant la Bretagne pieuse, défendant la croix, défendant la religion contre la Bretagne mystérieuse des fées, des corrigans, des intersignes contre la science suspecte, contre le sournois ennemi du genre humain. Tout à sa mission de confesseur de la foi, de combattant du paganisme, le prêtre indulgent et paternel faisait place à l'apôtre.